Alors, on va revenir à nos moutons. Nombre 14. Souvenez, il y a 2 semaines, on a fait la première partie. Là, on va compléter le chapitre. Je vous invite à tourner tout de suite parce qu'on va plonger immédiatement dans la lecture du livre à partir du verset 36. Donc, Nombre 14, verset 36. Pour une fois, j'hérite de très peu de versets, c'est bien. D'habitude, j'ai des chapitres de 119 versets à lire, mais c'est correct. N'ayons pas peur de l'ouvrage. Verset 36. « Donc les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays, moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Jéphunné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, « Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel. » car nous avons péché. Moïse dit, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. » Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne, ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Donc dans le passage qu'on vient de lire, donc Nombre 14, versets 36 à 45, nous sommes à Kadès-Barnéa. Ça fait un bout de temps qu'on est là. On est toujours là. On est là dans un moment décisif, on est là dans un moment tragique et surtout, on est là dans un moment qui est révélateur. Israël a entendu la promesse de Dieu, mais il a préféré écouter la peur. Les espions ont vu le pays, mais 10 d'entre eux l'ont décrié. Ils l'ont décrié au lieu de croire. Ils ont murmuré au lieu d'avancer. Et à cause de ça, le peuple il a reculé au lieu de se confier. Il a pleuré. Puis, le jugement de Dieu est tombé. On l'a vu. 40 ans d'errance, une année pour chaque jour d'exploration. Ça, c'était au verset 34. Mais le peuple n'a pas reçu cette parole-là, ce jugement-là, avec une humilité qui était véridique, qui était véritable. Il ne s'est pas courbé sous la main de Dieu. On va voir qu'il a tenté, on l'a vu, il a tenté de reprendre la main. Et pourtant, dans ce même chapitre qu'on vient de lire, Dieu a aussi dit à Moïse, « J'ai pardonné, comme tu l'as demandé. » Et c'est précisément là ce nœud, la grâce, mais aussi le gouvernement de Dieu, que notre passage qu'on a aujourd'hui met en lumière. Il y a un châtiment qui est mesuré, qui est juste, qui est pédagogique, et il y a un pardon réel qui n'abolit pas, cependant, les conséquences terrestres. Donc, le texte qu'on vient de lire nous place devant une question qui est profonde. Comment l'homme réagit-il quand Dieu parle et quand Dieu corrige? Parce que toutes les mauvaises attitudes que nous allons voir, c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui, les mauvaises attitudes ont un trait en commun. Elles refusent la justice de Dieu après la faute. L'homme naturel, l'homme qui est pécheur, il veut bien un Dieu qui pardonne, mais pas un Dieu qui juge. Mais la vraie humilité, ça consiste à reconnaître « Tu es juste, éternel », comme dit le psaume 119, verset 137. Donc notre peine, notre mortalité, notre errance ne sont pas de simples accidents. C'est lié à la chute. C'est lié à la faute de nos premiers parents. C'est lié au péché d'Adam. On pourrait donc croire que ce châtiment-là n'est qu'une sanction arbitraire de la part de Dieu, une sanction que Dieu se plaît à donner selon son bon vouloir. Mais il n'en est rien, parce que Dieu est juste. Il est aussi et même profondément pédagogique dans sa démarche. Dieu s'en sert pour conduire l'homme à quoi? Il s'en sert pour le conduire à la repentance et par la foi, éventuellement, à sa grâce. Donc, ainsi, devant le décret de Dieu, le décret, c'est le jugement, l'homme charnel oscille entre la fuite, la négociation et l'abattement. Mais le croyant est appelé à autre chose, la foi. Donc, dans ce message, on va avancer en 3 points, je dirais même en 4 points. On va voir le cadre, je vais placer un peu le contexte, la défaite d'Orma. Ensuite, je vais faire la distinction durant ce contexte-là entre la grâce et le gouvernement. Et ensuite, on va considérer 3 mauvaises attitudes face au décret de Dieu. Et ces 3 mauvaises attitudes-là sont le contournement, le marchandage et le défaitisme. Ce que j'ai appelé tout à l'heure la fuite, la négociation et l'abattement, ce sont des synonymes, mais ça revient à la même chose. Donc, le contournement, le marchandage et le défaitisme. Et finalement, parce qu'on ne va pas se laisser sur une mauvaise note, on va voir c'est quoi la vraie attitude que Dieu s'attend de notre part. C'est celle du croyant, c'est la foi. Et elle se décline par l'observation, par l'obéissance et par la croyance. Donc, ces 3 verbes-là tiennent ensemble. Et ces 3 verbes-là, lorsqu'ils sont accomplis, bien sûr, attirent la bénédiction. C'est la bénédiction qu'on reçoit malgré le châtiment. C'est la bénédiction qu'on reçoit malgré la discipline. Mais c'est la bénédiction aussi devant la promesse de rédemption qui est donnée à tout homme. Donc, l'attitude à tenir est capitale. Pour les incrédules, pour ceux qui ne croient pas la parole de Dieu, le châtiment terrestre n'est pas la fin de la question, malheureusement. Parce qu'il y a le châtiment éternel qui vient s'ajouter au châtiment terrestre. Quand on refuse le salut, ça ne s'arrête pas là. Ça se poursuit dans l'au-delà. Et pour le plus grand mal de ceux qui refusent de croire. Mais pour ceux qui croient la parole de Dieu, pour ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ, pour les enfants de Dieu, la promesse, elle demeure certaine. Le pardon à Jésus-Christ est effectif. La rédemption est réelle. Puis le pèlerinage qu'on a sur cette terre, le pèlerinage, c'est le passage, l'errance qu'on peut vivre sur cette terre. Oui, elle est marquée par la peine et par la mort physique, mais elle va prendre fin dans la vie éternelle. Et elle va prendre fin surtout avec notre réunion définitive avec Christ dans l'éternité. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va tout d'abord voir le cadre du passage. C'est quoi la grâce? C'est quoi le gouvernement? Et je vais revenir un peu sur cette défaite d'Orma. Orma, en passant, c'est un lieu qu'on ne situe pas vraiment, mais c'est dans le voisinage de Beersheba actuellement. Mais ce n'est pas un lieu physique qu'on peut établir avec précision. Donc, Nombre 14, ça ne raconte pas seulement un épisode de désobéissance, ça dévoile aussi l'anatomie d'une rébellion. Le peuple pleure, il murmure, il accuse Moïse et Aaron, il veut retourner en Égypte. Ce n'est pas une simple fatigue de voyage, c'est un refus de la parole de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux résume cette scène-là en une seule phrase. « Ils ne purent y entrer à cause de l'incrédulité. » Hébreux 3:19. Alors Dieu va prononcer une sentence, un jugement. Un jugement avec une grande précision. Tout d'abord, Dieu va rappeler les signes accomplis, la gloire manifestée et surtout l'obstination du peuple qui l'a tenté 10 fois. On voit ça au verset 22. Puis vient le verdict. « Vous porterez la peine de vos iniquités 40 ans. » Verset 34. « Une année pour chaque jour d'exploration. » Et le châtiment, je l'ai mentionné, il n'est pas arbitraire. Il est juste, il est mesuré et surtout il est pédagogique. Dieu relie la peine à la faute. Pourquoi? Pour instruire son peuple. L'errance, ce n'est pas un accident, mais c'est la conséquence d'une incrédulité qui est persistante. Ce n'est pas la première fois que le peuple s'obstine, ce n'est pas la première fois que le peuple se rebelle, mais cette fois-ci, le jugement est tombé. Autrement dit, Dieu ne laisse pas Israël interpréter le désert comme étant comme une simple malchance historique. En fait, il va lui apprendre, par la douleur et par la patience, à lire son histoire sous le regard de Dieu. Mais il faut lier d'abord ensemble ce que nos cœurs ont tendance à séparer, c'est-à-dire la grâce et le gouvernement de Dieu. Voici la grâce. Moïse intercède, il agit comme médiateur. Il est ici une figure de Christ, un type de Christ. Et grâce, ou plutôt par le moyen de l'intercession de Moïse, Dieu n'extermine pas immédiatement le peuple. « J'ai pardonné selon ta parole », ça c'est ce que Dieu dit. Mais pourtant, le gouvernement de Dieu, il demeure. La grâce n'efface pas son gouvernement. La génération incrédule mourra dans le désert. Dieu maintient les conséquences du péché. Et il ne traite pas le coupable en innocent. Ça, c'est mentionné au verset 18. Donc, la sentence, le jugement, le châtiment demeure pour la génération qui est incrédule, qui a refusé d'entrer dans le pays comme Dieu lui avait demandé. Et cette distinction-là entre le gouvernement et la grâce, c'est capital. La grâce pardonne, le gouvernement, il discipline. C'est comme ça que Dieu procède. Dieu pardonne sans mentir. Dieu fait grâce sans annuler sa justice, parce que la justice de Dieu, c'est capital. Vous ne comprenez pas Dieu si vous ne comprenez pas le fait qu'il est un Dieu juste. Dieu sauve sans contredire sa parole. Et c'est cela aussi la gloire de Dieu. Donc le pardon, ça ne supprime pas mécaniquement toutes les conséquences historiques. Parce que si Dieu revenait sur sa parole, ben quoi, devinez? Dieu ne serait pas juste. Et s'il est injuste, il n'est pas Dieu. Donc la justice de Dieu est liée à l'accomplissement de sa parole. Si Dieu n'accomplissait pas sa parole, on ne serait pas ici ce matin en train de la lire. Il n'y aurait rien qui nous relierait ensemble et surtout pas le salut. Donc, pour que Dieu soit Dieu, il faut qu'il soit juste. Les versets 36 à 45 resserrent encore la leçon. On voit aussi une différence dans les responsabilités. Il y a une gradation. Premièrement, les 10 espions qui ont entraîné le peuple. Qu'est-ce qui leur arrive? Les 10 espions infidèles, ils meurent immédiatement, ils sont frappés d'une plaie. Fini pour eux. Le peuple aussi est frappé par un châtiment. Il ne décède pas immédiatement, mais il va errer durant 40 ans dans le désert jusqu'à mourir dans le désert. Et c'est la génération des moins de 20 ans qui va vieillir, qui va pouvoir ensuite entrer dans le désert. Mais ça, on va le voir plus tard. Et en troisième lieu, il y a les figures de Caleb et de Josué. Ces deux-là ont cru, hein, on l'a vu. Ils vivent. Ils vont entrer dans la terre promise. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eux aussi doivent errer dans le désert pour une faute qu'ils n'ont pas commise à cause de l'errance du peuple. Et là, ici, je vise mes enfants, ou je vise tous les enfants du monde qui se plaignent que leurs parents leur font subir le châtiment commun. Souvenez-vous de Caleb et Josué. OK? Quand toute la famille est punie à cause de la faute d'un seul, souvenez-vous, ça n'arrive pas juste à vous. On va voir maintenant la première mauvaise attitude face au châtiment. Donc, le refus du désert. C'est la première mauvaise attitude, c'est le contournement. Contourner, c'est refuser le désert. C'est vouloir la promesse sans le chemin de Dieu. Le contournement, c'est quand l'homme refuse la forme du jugement de Dieu. Il ne veut pas seulement être pardonné. Il veut encore choisir la manière dont il sera restauré. Il veut la promesse, mais pas la discipline. Il veut la terre, mais pas l'errance. Il veut la bénédiction, mais pas l'humiliation. Bref, c'est refuser le chemin que Dieu impose tout en voulant garder le fruit que Dieu promet. Et surtout, ce qu'on remarque derrière, c'est que l'homme veut. Et c'est exactement ce que fait Israël ici. Le peuple dit, « Nous voici, nous montrons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Verset 40. À première vue, cette parole peut sembler bonne. Ça ressemble même à une confession. Ça ressemble même à une repentance. Mais en réalité, ce n'est pas la foi. Ce n'est surtout pas la soumission. Et c'est surtout encore une tentative de reprendre le contrôle, de reprendre la main de la part du peuple. Au fond, ce que le peuple refuse, ce n'est pas seulement la faute, c'est la forme de la sentence. Le peuple ne veut pas le désert, hein? Ça ne lui tente pas de retourner errer dans le désert. Il ne veut pas la pédagogie de Dieu. Il ne veut ni la durée, ni l'attente, ni l'humiliation, et surtout pas la dépendance. Il veut réparer tout, tout de suite. Il veut revenir au plan initial, mais selon sa propre initiative. Il veut la promesse sans le chemin de Dieu. C'est pourquoi Moïse va répondre, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. » Cette parole de Moïse, elle est simple, elle est nette et surtout elle est sans appel. On ne contourne ni la parole de Dieu, ni son calendrier. On ne contourne pas le gouvernement de Dieu et on ne remplace pas la discipline par une action spectaculaire. Donc, cette logique de contournement dont fait preuve, qui se manifeste chez le peuple ici, là, ça ne concerne pas qu'Israël. Ce n'est pas quelque chose qui lui est particulier. En fait, ça habite le cœur humain. Nous aussi qui sommes présents, l'humanité tout entière qui nous entoure, on cherche souvent des raccourcis spirituels. On cherche la paix sans la repentance, la bénédiction sans la correction. On cherche la victoire sans la dépendance. On veut les fruits de la grâce, mais sans consentir aux voies par lesquelles Dieu nous instruit. Et ce refus du désert, ça rejoint profondément notre condition humaine. La peine, l'errance, la mortalité, la maladie, ce ne sont pas que de simples accidents. C'est lié à la chute qui est relatée dans Genèse 3 et qui est rappelée dans Romains 5, verset 12. Le monde n'est pas seulement imparfait, il est déchu. Aujourd'hui encore, l'homme incrédule supporte de moins en moins cette condition de créature déchue. De moins en moins, l'homme supporte le monde imparfait dans lequel on vit, le monde déchu. Il veut abolir la limite. Il veut neutraliser la mort. Il veut vaincre la mort. De plus en plus, on entend parler de ça. Et il veut vaincre la mort, pas dans le cadre de la résurrection qui est promise par Dieu, mais par ses propres moyens. Et tout ça, le projet, c'est d'instaurer ici-bas un bonheur qui est absolu, une paix qui est définitive, une justice totale parmi les hommes. Une sorte de royaume sans Dieu. Ou plutôt un royaume que l'homme fabriquerait lui-même. Mais il faut bien distinguer les choses. Bien sûr, soigner, soulager, bâtir, gouverner avec justice, prendre soin du prochain, ce sont des biens véritables. Hein? Les saints en Jésus-Christ y sont appelés. Mais la tentation apparaît quand l'homme transforme toutes ces tâches-là en projet de rédemption totale. Ce qu'on appelle vouloir faire le royaume de Dieu, mais sur cette terre et surtout sans Dieu. Et en agissant ici, on veut plus simplement servir, on veut sauver à la place de Dieu. On ne veut plus seulement prendre soin, on veut remplacer Dieu. On ne veut plus seulement accompagner la fragilité humaine, on veut abolir la condition humaine par nos propres moyens. Et ce n'est pas seulement une erreur pratique, c'est une révolte théologique, c'est une révolte contre Dieu. C'est une manière de dire, nous n'acceptons pas, Dieu, la sentence. On n'accepte pas le châtiment à cause du péché des premiers humains. On n'accepte pas le jugement que tu as posé sur l'humanité lorsque l'homme a péché la première fois. Et surtout, puisqu'on n'accepte pas ton jugement, Dieu, on va entrer dans la terre, on va bâtir quelque chose sur la terre autrement. Ça et la montée d'Israël sans l'arche, c'est la même chose. C'est la présomption dormant sous d'autres formes. Et c'est voué à l'échec. C'est ça précisément la logique du contournement. C'est ça. vouloir contourner Dieu dans son jugement. Et ce contournement-là peut prendre un langage religieux si on y prend garde. On peut dire, « Seigneur, nous avons péché et pourtant rester dans l'orgueil si nous refusons encore la voie qu'il nous assigne. » Parce que la vraie humilité, ça ne cherche pas à sauver la face. La vraie humilité, elle ne se débat pas contre la main de Dieu. Elle doit simplement admettre, « Tu es juste, éternel. » La vraie humilité, la vraie piété va accepter même le désert. Si ce désert-là est le lieu où Dieu veut former la foi. Parce que quand l'homme monte sans Dieu, comme a fait Israël sur la montagne pour affronter des ennemis que Dieu a dit « ne les affrontez pas », quand on agit ainsi, on rencontre toujours d'une manière ou d'une autre son propre Orma. C'est le lieu de la défaite d'Israël qui est relaté dans Nombre 14. Donc ça, c'est la première mauvaise attitude, le contournement. Et après le contournement, le texte va nous montrer une deuxième impasse du cœur, qui est le marchandage. Le marchandage religieux, ça se décline ainsi, ça résonne ainsi. Si je fais ceci, Dieu va me devoir cela. Ça, c'est du marchandage. C'est une logique de transaction, c'est une logique de compensation, c'est une logique de contrôle. L'homme fautif veut encore négocier avec Dieu, comme s'il pouvait infléchir sa volonté par une performance. Et c'est bien ce qui apparaît dans la réaction du peuple. Le peuple se lève de bon matin. Il monte, il s'obstine, il va montrer même du zèle. Ça, on ne peut pas le nier. Il est très motivé. En substance, il dit, le peuple, nous avons péché, nous allons maintenant poser un grand acte. Et Dieu devra bien nous redonner la victoire. Mais Moïse va dénoncer cette illusion en ces termes. « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. » L'activité du peuple n'est plus l'obéissance, c'est une transgression de plus. Et le peuple monte, malgré l'avertissement de Moïse, mais l'arche ne bouge pas, et Moïse ne bouge pas du camp non plus. Le peuple agit, mais Moïse reste. Le peuple s'obstine, mais l'Éternel n'est pas au milieu de lui. Et voilà l'échec du marchandage. Le peuple peut multiplier. Celui qui se prête au marchandage peut multiplier les gestes, mais son échec, c'est qu'il ne peut pas produire la présence de Dieu. Il est incapable de faire ça. Et je sens apporter une nuance ici. Il faut distinguer la supplication du marchandage. La supplication dit « Ô Dieu, sois apaisant vers moi qui suis pécheur. » On le voit dans Luc 18, 13. Tandis que le marchandage va dire « Regarde mon effort, tu dois maintenant me répondre. » La supplication se jette sur la grâce. Le marchandage veut acheter la grâce. La supplication va reconnaître la souveraineté de Dieu. Le marchandage veut faire entrer Dieu dans ses calculs. La supplication est humble. Le marchandage reste orgueilleux. Même lorsqu'il va adopter un langage religieux, c'est de l'orgueil quand même qui se cache derrière. C'est pour ça que le marchandage, c'est une impasse spirituelle. Ça paraît sous les dehors, ça a des habits de piété, mais ça demeure une rébellion. Ça demeure une transgression envers Dieu. On ne transforme pas la grâce en mécanisme. On ne transforme pas le pardon en contrat. Et cette logique du marchandage, est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'elle est bien présente encore aujourd'hui? Parce que la nature humaine n'a pas changé. Combien de fois le cœur humain va-t-il penser ainsi? Si je me reprends vite, si je prie davantage, si je donne plus, si je multiplie les preuves de bonne volonté, hein, alors Dieu va forcément effacer toutes les conséquences. Mais on sait que l'Écriture enseigne le contraire. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Je saute, ce n'est point par les œuvres afin que personne glorifie. Donc la grâce ne se vend pas. La grâce, elle se reçoit. Ce n'est pas la récompense d'un effort, mais c'est le don souverain de Dieu en Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ peut effectuer le rachat, pas les hommes. Pourquoi? Parce que seul Jésus-Christ est parfait. Le salut, ce n'est pas un prix qu'on paye, c'est un don qu'on reçoit par la foi. Il faut aussi entendre ceci. Même après une repentance véritable, certaines conséquences demeurent parfois. C'est ici la distinction entre la grâce et la distinction que j'ai faite entre la grâce et le gouvernement, elle redevient capitale. Dieu pardonne, mais il continue de gouverner. Dieu fait miséricorde, mais il continue de former. Il continue d'abaisser l'orgueil, il continue de purifier la foi, de discipliner ceux qui l'aiment. La vraie repentance ne réclame pas et ça plaide surtout pas ses mérites. La vraie repentance, elle se soumet. Et je parle de la véritable soumission, celle qui s'humilie totalement devant Dieu. La vraie soumission, la vraie repentance, elle dit « Seigneur, je t'ai donné quelque... » Elle ne dit pas « Excusez-moi, je me suis trompé. » La vraie repentance, elle ne dit pas « Seigneur, je t'ai donné quelque chose, tu me dois maintenant une réponse favorable. » La vraie repentance, elle dit plutôt, avec sincérité, « Seigneur, fais-moi grâce. » Donc, tant que l'homme marchande, c'est l'homme qui est au centre. Mais lorsqu'il se repent vraiment, véritablement, Dieu reprend la juste place qui lui revient. Après le contournement et le marchandage, on a aussi une troisième impasse du cœur, qui est le défaitisme. Et ça aussi, c'est intéressant. Ce n'est pas explicitement relaté dans Nombre 14, mais on le voit se dessiner quand même en filigrane. Parce que si le contournement veut forcer l'avenir, si le marchandage veut négocier avec Dieu, le défaitisme, lui, il s'effondre sous le poids du jugement. C'est une tristesse sans foi, c'est une fausse humilité qui prend la sentence au sérieux, mais qui ne prend plus la promesse au sérieux. Comme j'ai mentionné, ce n'est pas explicitement formulé dans Nombre 14. Parce que le peuple est surtout dans la présomption. Hein? Il est dans le marchandage, puis il est dans le contournement. Mais le passage nous y conduit malgré tout par contraste. Oui, les 10 espions infidèles vont mourir. Oui, le peuple est dans une grande désolation. Oui, la sentence est lourde. Mais non, tout n'est pas fermé. Ce n'est pas la fin d'Israël. Ce n'est pas la fin des promesses de Dieu quant à la terre promise. Ce n'est pas terminé. Josué et Caleb demeurent vivants. La promesse de Dieu n'est pas annulée pour Israël, pas du tout. Elle est juste différée pour une génération. Mais la promesse demeure. Donc, le désert, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est une discipline dans l'histoire de la promesse. Le défaitisme, ça apparaît souvent sous les habits de l'humilité. Pourtant, il faut le dire plus clairement, c'est souvent une autre forme de révolte, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas Dieu dans toute sa parole. On croit au jugement, mais on ne croit plus à la promesse. On ne la voit plus, la promesse. On prend au sérieux la discipline, mais on a oublié la miséricorde. On voit la main de Dieu, mais on ne voit plus sa main fidèle. Au fond, le défaitiste va se dire en lui-même, « Tout est fini, il n'y a plus rien à espérer, Dieu ne peut rien pour moi. » Mensonge. Parce que ça, c'est ni la foi, ni la contrition selon Dieu. C'est une tristesse sans espérance. C'est une tristesse qui clôt elle-même ce que Dieu n'a lui-même pas fermé. La foi, au contraire, elle va tenir ensemble ce que le défaitisme sépare. La foi va dire oui, la discipline est réelle, oui, les conséquences sont lourdes, oui, le désert peut être vaste et pénible, mais Dieu n'a pas menti, sa promesse demeure. Si Dieu a fait des promesses, elles vont s'accomplir. La foi biblique tient ensemble la justice et la miséricorde, la discipline et la promesse, le désert et la terre promise. Encore une fois, le lien avec notre époque y est frappant. Beaucoup de nos contemporains ne cherchent pas seulement à contourner la mort. Beaucoup sont écrasés par elle, sont écrasés par la mort. Ils voient les traces réelles de la mort. Ils voient la fragilité des corps, la solitude, la décrépitude, la violence du monde, la fatigue morale, l'angoisse diffuse, l'atomisation sociale, c'est-à-dire le fait qu'on est tous isolés les uns des autres et tous en guerre les uns avec les autres. Les défaitistes sont souvent lucides, mais ils sont sans espérance. Beaucoup vont glisser vers le fatalisme. Tout finit mal, il n'y a rien à faire. Ça, c'est du fatalisme. Il y en a d'autres qui vont se jeter dans la distraction. Profitons maintenant, pendant qu'il est temps. Comme si demain n'existait pas. Il y en a qui vont s'écraser. Il y en a qui vont se divertir. Mais les deux refusent de recevoir la parole de Dieu. Ils voient la peine. Ils voient la dureté du monde. Ils voient la lourdeur de l'existence. Mais ils refusent l'origine théologique de ce châtiment-là. Ils voient la mort, mais ils refusent la résurrection. Ils voient la ruine, mais ils ne viennent pas à Christ. Et c'est là le grand drame du défaitiste. Il est parfois lucide sur la chute, mais il est aveugle quant à la rédemption. Mais attention, cette mise en garde-là ne vaut pas que pour les incrédules et les incroyants. Ça vaut aussi pour les croyants et les saints en Jésus-Christ. Après une faute, après une chute, après avoir reçu une discipline, quelle qu'elle soit, la tentation revient souvent sous deux formes. On veut forcer les choses ou on veut abandonner toute espérance. Le texte biblique rejette les deux. La véritable foi, ce n'est pas, ça affirme pas, je vais réparer tout seul. La véritable foi, ça ne dit pas non plus, Dieu ne peut rien faire pour moi. La véritable foi, elle est confiante, elle est volontaire, c'est-à-dire qu'elle est proactive. Elle est intentionnelle. C'est pourquoi la véritable foi, et là je parle ici un peu de façon impersonnelle, la véritable foi, elle dit, je vais marcher avec Dieu dans ce qu'il m'impose. Je vais attendre son temps. Donc la véritable foi, elle accepte l'épreuve du désert, parce que ça vient de Dieu. Mais elle accepte le désert sans oublier la terre promise. La promesse est toujours bien en vue. Et pour nous, les croyants d'aujourd'hui, la terre promise, ça annonce quoi? Ça annonce l'héritage final en Christ. C'est ça notre promesse à nous. Il ne faut pas oublier qu'on est ici sur cette terre que pour un temps. Il y a un lendemain. Et ce lendemain-là, il est glorieux. C'est la pleine communion avec Dieu dans la vie éternelle. Au terme de quoi? Au terme de notre errance sur terre, notre désert à nous, le pèlerinage terrestre. Et Josué et Caleb vont nous donner ici un témoignage silencieux, mais assez puissant. Ils n'ont pas partagé l'incrédulité du peuple. Ils ont partagé le désert, cependant. Est-ce qu'on les a entendus murmurer? En tout cas, ce n'est pas relaté dans le texte biblique. Ils ont dû attendre 40 ans, eux aussi. Ils ont dû porter également le poids collectif de la sentence historique qui a frappé le peuple d'Israël. Mais ils n'ont pas abandonné la promesse. Ils ont cru, ils ont marché, ils ont attendu le moment fixé par Dieu. C'est ça la foi qui persévère. Elle pleure, mais elle espère. Et ça nous amène tout doucement vers la seule bonne attitude. On a vu les trois impasses, le contournement, le marchandage, le défaitisme, mais il faut aussi considérer la seule réponse qui est droite devant Dieu, c'est la foi. Et la foi, ce n'est pas une seule et même notion indéfinie. Ça se décline en trois verbes qui tiennent ensemble. C'est observer, c'est obéir, c'est croire. Devant la bénédiction comme devant la discipline. Donc dans les bons moments comme dans les mauvais. Devant la grâce comme devant le gouvernement de Dieu. Observer, obéir, croire. La foi ne sépare pas ce que Dieu tient ensemble. Observez tout d'abord. C'est lire la réalité à la lumière de Dieu. Donc, la foi observe. Elle ne se contente pas de regarder les circonstances. Elle apprend à les lire sous le regard de Dieu. La foi ne minimise pas le péché. Elle ne minimise pas le jugement, ni les conséquences. La foi ne va pas renommer le mal pour se rassurer non plus. Elle ne traite pas la discipline de Dieu comme un simple malentendu. La foi est lucide. Elle reconnaît que notre peine, notre mortalité, notre errance, ça appartient à la condition déchue de l'humanité. J'aurais tout un tas de citations bibliques à vous lancer, mais je ne le ferai pas. S'il y en a qui veulent voir les citations qui sont rattachées à tout ça, vous me demanderez mes notes et je vous les passerai. Sinon, ça va ralentir inutilement la performance. Mais la foi, ça ne lit pas seulement la sentence, ça distingue, ça discerne aussi la fidélité de Dieu. La foi discerne le fait que la main de Dieu se trouve dans la bénédiction, mais elle se trouve aussi dans la correction, et ça se trouve évidemment dans la promesse. La correction, la bénédiction sont immédiates, la promesse, elle est lointaine. Mais dans les trois cas, la foi voit la manifestation de Dieu dans ces trois actions. Dans Nombre 14, Dieu n'accompagne pas la présomption du peuple sur la montagne. Mais il ne va pas abandonner pour autant son peuple dans le désert. La présence de Dieu au milieu du peuple, ça ne s'achève pas au chapitre 14. Dieu ne s'éloigne pas définitivement d'Israël pour les abandonner dans le désert, non. L'arche va demeurer au camp. Josué et Caleb vont vivre. Et surtout, la promesse n'est pas annulée. Et Dieu va prendre soin de son peuple malgré son errance de 40 ans dans le désert. Le peuple va continuer à recevoir la manne. Le peuple va continuer d'être protégé, d'être pris en charge. Et éventuellement, le peuple va être guidé pour son entrée dans la terre promise. C'est ça que la foi apprend à voir. Même lorsque la main de Dieu est lourde, hein, dans la punition, la fidélité de Dieu demeure. Parce que Dieu ne renie jamais ses promesses. Le deuxième verbe qui est lié à la foi, c'est obéir. Ça signifie ne pas choisir son moment ni ses conditions. La foi, elle obéit. Et c'est ici le point central du message, je dirais, c'est le point central de Nombre. Dans Nombre 14, Israël a perdu la victoire non pas parce qu'il a manqué d'énergie, mais parce qu'il a manqué de zèle. Il voulait poser un acte de piété alors que Dieu lui demandait une chose précise à laquelle Israël ne s'est pas soumis. En premier lieu, il lui a demandé d'entrer dans le pays et Israël n'a pas voulu. Et lorsqu'Israël a demandé, et lorsque le jugement est tombé et que Dieu a ordonné de retourner vers la mer Rouge, bien là, Israël a voulu entrer au pays. Obéir, c'est pas agir avec intensité, c'est simplement faire ce que Dieu demande. Quand il le dit et comme il le dit. Le peuple disait « Nous monterons », mais Dieu lui avait dit « Ne montez pas » au verset 42. Et c'est toute la différence ici entre le zèle de la chair et l'obéissance de la foi. Parce que la foi ne choisit ni son moment ni ses conditions. Elle ne dicte pas son calendrier à Dieu. Elle accepte même le désert si Dieu l'ordonne. Parce que Dieu est Seigneur. Dieu est souverain. Donc la foi qui obéit, elle accepte de marcher lentement, d'endurer la discipline, de renoncer à la précipitation, si c'est ce qui lui est demandé. Et cette leçon-là qu'on a vue pour Israël, elle nous rejoint directement. Combien de fois après une faute ou dans une épreuve, on veut tout réparer? Et on veut réparer ça vite. Hein? On veut reprendre le contrôle, sortir immédiatement du désert. Moi, le premier, là, quand je dis ces choses-là, je me vise surtout. Mais la piété véritable dit plutôt, « Seigneur, si tu veux que je marche ici, je marcherai. Seigneur, si tu veux que j'attende, j'attendrai. » Mais surtout, Seigneur, ne me laisse pas marcher sans toi. Ici, ce n'est pas l'héroïsme de la chair, c'est la soumission du cœur qui est importante. Troisième action, troisième verbe qui est là à la fois, c'est croire. Croire en la justice de Dieu, en sa miséricorde, en sa rédemption. Il faut parler ici de cette confiance qui s'attache à Dieu lui-même. La foi se tient là. Elle ne conteste pas la justice de Dieu, elle ne désespère pas de sa miséricorde, elle ne doute pas de sa fidélité lorsque la discipline se prolonge. Elle n'exige pas un résultat immédiat, comme le font les marchandeurs. Elle demeure appuyée sur Dieu et sur sa parole. Ici, croire, c'est tenir ensemble ce que notre cœur voudrait séparer. La sentence et la promesse, le gouvernement et la grâce, le désert et la terre promise. Si Dieu annonce un jugement, eh bien, devinez quoi? Ce jugement va s'accomplir. Parce que Dieu ne change pas. Mais s'il promet le salut à ceux qui viennent à lui, cette promesse est tout aussi certaine. Parce que cette promesse est certaine en Jésus-Christ. Le juste vivra par la foi. C'est tout d'abord énoncé dans Habacuc 2.4, mais c'est rappelé surtout dans le Nouveau Testament. Et c'est la première citation de l'Ancien Testament qui est faite dans Romains 1.17. « Le juste vivra par la foi. » Cette parole-là est précieuse, parce qu'elle nous apprend que la vie du juste n'est pas suspendue à la disparition immédiate de la peine. Elle est liée à la fidélité de Dieu qui a été reçue par la foi. Donc, la foi, ce n'est pas qu'un optimisme vague, hein? Un optimisme qui est fondé sur des promesses lointaines et indéfinies. La foi ne va pas nier la lourdeur de la peine, du pèlerinage, de l'errance sur la terre. Elle ne va pas nier la réalité de la mort, ni le délai. Elle va refuser cependant la présomption. Elle va refuser aussi le cynisme. Elle va demeurer confiante et résolue. « Je marcherai avec Dieu dans la voie qu'il m'impose. J'attendrai son temps. » Elle va accepter le désert, sans oublier la terre promise. Elle vit, mais elle a les yeux fixés sur l'horizon. Et pour le croyant aujourd'hui, là, nous, hein, nous qui sommes ici, là, la terre promise, ça annonce l'héritage final en Christ, la pleine communion avec Dieu, dans la vie éternelle, au terme du pèlerinage terrestre. Donc, cette bonne attitude-là, et je vais conclure là-dessus, cette bonne attitude-là, ça doit maintenant être montré dans toute sa portée, c'est-à-dire à la lumière de Jésus-Christ. Pour l'incrédule, celui qui refuse la parole de Dieu, bien, cette incrédulité-là, si elle persiste, elle va le conduire au jugement. Je cite ici Hébreux 9:27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et pour ces personnes-là, ces incrédules-là, le châtiment terrestre, le fait qu'on vit sur une terre qui est maudite, dans un corps qui est maudit, au milieu d'une société maudite, bien, ce n'est pas la fin de la question. La mort, ça ne résout pas. Ce n'est pas la fin de la souffrance pour eux. Si l'homme refuse encore le salut, il va demeurer sous la condamnation de l'enfer éternel. Et ça, c'est encore plus terrible. Mais pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, les croyants, les saints en Jésus-Christ, la promesse est certaine. Je le répète encore, je pense que je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est bien de le dire encore une fois, parce que le pardon en Jésus-Christ, il est effectif. La rédemption, elle est réelle. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. « Je suis la résurrection et la vie », nous dit Jésus. La grâce n'est pas un sentiment, c'est un salut qui est accompli par le Fils de Dieu et qui est reçu par la foi. Je l'ai annoncé, je le répète encore aussi. C'est un point essentiel de la vérité biblique. On est pardonné. On a reçu la grâce. Mais le salut en Jésus-Christ, ça ne vient pas abolir immédiatement les conséquences historiques de la chute. Notre vie ici-bas, ça demeure un pèlerinage. Ça demeure une errance. Ça demeure un parcours. Et ce parcours-là est marqué par la peine. Je souffre, vous souffrez. Et ça va continuer ainsi. Je gagne de l'argent, mais je travaille dur pour le gagner. Et je pense que c'est la même chose pour vous. Et surtout, le corps qu'on habite, il est mortel. Et les plus vieux d'entre nous savent que plus on se rapproche de la fin, plus ça devient lourd à porter. La terre au milieu de laquelle on habite, c'est une vallée de larmes. Nous gémissons encore dans cette tente et on attend encore la rédemption de notre corps. Mais le sens de cette peine-là, pour nous qui sommes croyants en Jésus-Christ, il a changé. Pour l'incrédule, c'est seulement le chemin vers le jugement. Mais pour nous, les croyants, ça devient la dernière étape du pèlerinage avant la réunion avec Christ. Tout comme Caleb et Josué qui ont cru, ils ont pourtant erré dans le désert avec le reste du peuple, ils n'ont pas été soustraits au désert, ils ont partagé le temps long, la fatigue, le report de la promesse, mais ils n'étaient pas voués à la même destinée que les incrédules. Parce qu'ils sont entrés dans la terre promise au terme des 40 années, contrairement aux incrédules qui sont morts dans le désert. C'est la même chose pour nous. C'est la même chose. On est retiré d'un coup. On est retiré de la perdition humaine, déchu. On a la promesse de la vie éternelle. On appartient déjà au corps de Christ. Mais pour un temps encore, on doit errer ici sur cette terre, en attendant de connaître la gloire éternelle. Et on peut en avoir la certitude parce que cet héritage-là, il est gardé pour nous. Il est garanti par Christ. Donc, c'est pour ça que la bonne attitude devant le décret de Dieu, c'est ni le contournement, ni le marchandage, ni le défaitisme. C'est bel et bien la foi. C'est observer, c'est obéir et c'est croire. C'est observer la réalité sous le regard de Dieu, c'est obéir à la parole qui est présente de Dieu. C'est croire que la justice de Dieu, elle est sainte. C'est croire que sa discipline, elle est juste. C'est croire que sa promesse, elle demeure certaine. Et pour celui qui n'a pas cru aux promesses de Jésus, quant à la résurrection, quant au salut, quant à la délivrance de cette peine, bien le texte qu'on a lu aujourd'hui devrait lui parler de la sorte. Hein? Cesse de contester Dieu. Reconnais ta faute. Viens à Jésus-Christ. Et pour nous, les croyants et les saints en Jésus-Christ, arrêtons de murmurer. Oui, les promesses de Dieu n'annulent pas les conséquences du désert dans lequel on se trouve. Mais la présence de Dieu, ça devrait être notre seul vrai bien. Et sans cette présence-là, bien, toute victoire est une illusion. Amen.